La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir l'arrivée à la télé ? Oh ben, je veux voir que bien. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 18 novembre 2018. Je vous présente ce soir un fragment de l'univers sonore de l'artiste, performeur et musicien Robert Kurjenven. Et on débute ça immédiatement avec une pièce intitulée Gran Coda Andante. C'est tiré d'un album intitulé Oltre, Transparence, Dubplate, Extended Trilogy. C'est produit, un album produit en 2010, un projet magnifique, exploitant les platines, disques trafiqués, variations microtonales, feedback, field recording et j'en passe. L'album rassemble des préoccupations récurrentes de la musique expérimentale des dernières années. Le signal et le bruit, la matérialité du son, l'acoustique des lieux et des paysages, ces dispositifs trafiqués figurant des instruments sonores. Alors, on y retrouve aussi des influences multiples, Alvin Lucy, Murray Schafer, Eliane Radig et Christian Marclay. Alors, vous avez compris, combinaison de musique minimaliste, électronique, combinée à de la captation en direct, musique, c'est-à-dire sonorité de nature. Alors, pour parler de Robert Kurgenwund, il est originaire d'Australie, c'est un organiste de formation, c'est un créateur d'œuvres sonores pour orgue classique, notamment, c'est ce qui est original chez Robert Kurgenwund, qui a parcouru le monde et présenté ses créations dans de très nombreux événements nationaux et internationaux, à la Transmédiale de Berlin, au Musée d'art moderne de Medellin, à la Galerie nationale d'Australie. La liste est plutôt longue. Le travail sonore de Robert Kurgenwund est très singulier. Il exploite le potentiel sonore de l'orgue monumental de cathédrale très souvent. Il mène depuis une vingtaine d'années une quête des origines en explorant l'histoire de ses ancêtres, les sonorités du paysage australien, les transformations du monde et ces migrations incessantes qui finissent par nous façonner. Robert Kurgenwund dit, et là j'ouvre les guillemets, que les sons sont essentiels à notre perception du monde. Entendre la complexité d'un lieu et de son temps fait surgir les souvenirs du familier qui sont à leur tour déplacés et transformés. Parmi tous les projets réalisés par Kurgenwund, et ils sont nombreux, là. Je vous propose ce soir l'écoute de pièces tirées de quelques albums récents, et je vous propose, pour vous mettre un peu en appétit, je vous fais entendre une piste d'un magnifique album intitulé Sirène, Sirène en français, écrit en français, qu'il a produit en 2017, et on écoute d'abord une pièce intitulée Ressuscitant de l'étreinte de la sirène, une première pièce tiré de l'album Sirène dont je vous parle au retour. Alors, on vient d'entendre « Ressuscitant de l'étreinte de la sirène », c'est tiré de l'album intitulé « Sirène ». Alors, à propos de cet album, eh bien, il faut savoir qu'il regroupe des œuvres sonores réalisées par Robert Kurzweil entre 1983 et 2014, donc une longue période, des œuvres toutes réalisées à partir d'un ensemble d'orgues à tuyaux, comme disent les Anglais, « pipe, pipe organ », donc un orgue monumental. Installé dans d'anciennes églises de la côte de Cornouailles en Écosse. Les enregistrements à l'orgue sont demeurés intégraux, intacts, mais sont tous assortis, vous l'avez entendu, de bourdonnements et de bruits en microtonalité, tout ça résultant d'un travail sur table tournante et d'enregistrement sur disque trafiqué. Ce qui est intéressant, c'est que l'album Sirène raconte, somme toute, l'histoire d'une migration, celle de son grand-père, je devrais dire, qui quitte l'Écosse pour l'Australie autour des années 1870. Robert Kurzweil raconte que c'est la découverte d'une photographie de son grand-père prise en Australie dans les années 30 qui va l'inspirer et l'inspirer pour réaliser ce projet intitulé Sirène. Cinq générations plus tard, Robert Kurzweil va revenir en Écosse sur la côte atlantique pour tendre la main en quelque sorte à ses ancêtres. Et là, j'ouvre les guillemets, à bien des égards, souligne le critique Rob St. John, cet enregistrement de Kurzweil fait suite à une exploration de sa généalogie familiale et de l'histoire de sa communauté d'origine, et en particulier du fait que les églises où il a joué auraient pu être visitées par ses ancêtres. Alors, ces magnifiques espaces sacrés situés sur les falaises de Cornouailles sont ainsi devenus, rappelle le critique St. John, des chambres sonores qui font écho au paysage écossais, à la mer agitée et à son histoire personnelle, voire intime. Je ferme les guillemets et il parle de l'histoire personnelle du créateur Robert Kurzweil. Alors, on écoute là-dessus une deuxième pièce intitulée Turner's Tempest, c'est tiré de l'album Sirène, et c'est une pièce qui est inspirée du tableau du peintre de marine Turner, et ce tableau qui l'inspire s'intitule Snow Storm. Alors on écoute Turner's Tempest. particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. J'aime bien l'idée que regarder, c'est un geste d'intelligence, c'est un geste de sensibilité. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Il devient une présence presque dans un réflexe un peu animiste. Yannick Pouliot, artiste révélateur de failles au premier degré. Tout notre univers matériel est là pour nous présenter, pour montrer comment on est des gens bien. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors voilà, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit autour des créations sonores de l'artiste Robert Kurzenwin. Et avant de poursuivre sur son travail, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y retrouverez le descriptif de l'émission, nos partenaires ainsi que toutes les émissions disponibles en balado diffusion pour écoute immédiate ou en différé, c'est à votre guise. Alors, on poursuit sur ce beau travail de Robert Kurzenwin. C'est un compositeur australien qui vit et travaille désormais en Irlande. Il a fait ses débuts musicaux en tant qu'organiste de formation classique. Il a vécu et travaillé dans les régions isolées de son Australie natale, notamment dans le territoire du Nord. C'est dans cette région qu'il a commencé d'ailleurs à faire des enregistrements pour capturer l'esprit de ces vastes espaces, accumulant une abondante collection sonore qu'il va utiliser, dit-il, sur quelques albums, dont l'album Silent Landscape dont on va écouter quelques extraits. Alors, poursuivant son travail en Europe à partir de 2008, il va développer une approche sonore basée sur des sons générés par les guitares, les platines et les disques vinyles qu'il va trafiquer, transformer, ce qu'on appelle, ce que les anglophones appellent le dubplate. Tout ça afin de proposer une expérience vraiment très, très physique du son. Et j'ouvre les guillemets. Comment le son façonne-t-il notre compréhension d'avoir un corps, d'être incarné, se demande Kurzenwin. Selon lui, le son est le reflet du temps qu'il fait et son travail artistique nous exhorte à sentir et à entendre cet air du temps. Et là, je referme les guillemets. C'est dans cette veine que le journaliste, Pascal Savy du magazine de Fluid souligne pour sa part que écouter de la musique de Kurzenwin donne souvent l'impression d'habiter à l'intérieur d'une chambre résonante où le son brut peut se déployer et s'étendre en remodelant l'espace en permanence. Et là, je referme les guillemets, c'est très poétique et assez juste concernant le travail de Robert Kurzenwin. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait de l'album intitulé Silent Landscape. C'est paru en 2007. Alors, on vient d'entendre la plage numéro 2 de l'album Silent Landscape de Robert Kurjunwun. L'album, il est composé d'enregistrements intégraux en prise directe. Ce sont des field recordings qu'il a réalisés entre 1999 et 2008 en Australie, dans des lieux qui sont parmi les plus anciens du monde, raconte Kurjunwun, dont le désert de Tanami dans le nord-ouest de l'Australie, le parc de Leachfield, la terre d'Arnhem dans le territoire du Nord, les champs volcaniques près de l'imposant mont Warning, pour ne nommer que ceux-là. C'est la description que nous propose Robert Kurjunwun. On dit de cet album qu'il propose une vision sonore du monde située quelque part entre beauté et brutalité, la fureur maîtrisée du paysage, devenant doucement perceptible au seuil du silence. Je referme les guillemets, c'est ce qu'on retrouve en note de l'album. Kurjunwun crée ainsi une exploration intense et inédite de territoires quasi inexplorés, telle une expérience limite. Alors, on poursuit cette écoute avec un deuxième extrait de l'album Silent Landscape de Robert Kurjunwun. Thank you. Alors, on vient d'entendre un extrait de la piste numéro 4 de Silent Landscape de Robert Kurgenfinn. Dans cet article qui est paru dans le magazine Fluid dont j'ai fait référence précédemment, le critique musical Pascal Savy souligne que l'œuvre de Kurgenfinn pourrait être associée au mouvement de musique néo-minimale sur drone, qui est un mouvement qui est réapparu au cours des 15 dernières années. Ces créations partagent en effet d'importantes similitudes conceptuelles avec le travail d'artistes de la scène minimaliste. Et là, je cite le journaliste qui parle des travaux de Toshimaru Nakamura, Sachiko, Oren Abarchi ou encore Stéphane Mathieu. Le travail de Kurgenfinn peut sembler austère, dit-il, et là c'est Pascal Savy du magazine Fluid qui parle. Quand on écoute de loin ou dans le confort de son salon le travail de Kurgenfinn, mais expérimenter ses œuvres sonores dans un espace adéquat, elles acquièrent une physicalité très séduisante, dit-il, transformant la salle de concert en un instrument résonnant à partir duquel le son et l'espace se fondent en de nouvelles formes. Pour donner suite à cette belle perspective sonore, je vous ferai entendre des extraits du projet intitulé « Detour the hurt and like a scar, it swallowed them », qu'on traduirait grosso modo par « ils ont déchiré la terre et comme une cicatrice, il les a avalés ». C'est paru en 2017 et ça découle d'une installation sonore intitulée « Unsilenced Landscape » présentée récemment en Irlande et en Autriche. Alors on écoute donc la scène 4 intitulée « When the storm came, they were the storm », suivie si on a un peu de temps de l'épilogue, Frontier Approach, It's Retreat a Mirror. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir autour de l'artiste d'origine australienne Robert Kurjenven. On écoute actuellement la scène numéro 4 intitulée « When the Storm Came » et en terminant, j'enchaîne avec une pièce intitulée « Allegro in Seguito ». C'est tiré de l'album « Oltre ». Alors, quant à moi, je vous invite à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL le 89.1. Tout de suite après l'émission, je vous invite à écouter Web Musique avec Simon Roy. Et alors, je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, prenez le temps d'écouter les sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.